Michel Miracle, Tata Tata Police, Excellence Barnabé, Kitaya Pinkaro. Patrick Bologna, vous aimez bien. Toi, Batti, allez, combien de Batti, We are going to.

Kaka Bengel et le but de serre de la presse. Daniel, on est gagné. Mami, elle est là. Spécial général Bengue, Alain Arwala, les cerveaux bleus, Rado Martin, l'éléphant du poste. Bali akembedi if kisom baba jere na yaki boyete tarande na yobi misino chama aduba ka chebese tarande nge ba fulina chien oyo chance chante di bala chance alolo toko bwana baba lo magenda tike na patu ni ma kan h3 baba lo magenda tike na patu ni na kale Lolo de Sele, le patriote peuple, Didier Moubengaï. Thank you. télécommande Minoto, télécommande Minoto, télécommande Minoto, télécommande Minoto, télécommande Minoto. I love you, so when I'm alone, I'm gonna call you. I love you, I love you, Superman. Samunga, Raisa. chérie. Bébé chérie. Ma bébé chérie. Ma bébé chérie, mon gono, mon gono, les tous les bas. Ma bébé chérie. Mon père, mon cœur. Ma bébé chérie qui t'a demandé. Ma bébé chérie. Mon cœur, mon cœur. Honorable Demi Kombay. Ida Lolo. Bobé de la Didier, ma seule amour, Boko Makassi. Samabacho. Samabacho. Wakashi. Fondé. Asma, notre ancien express. Dino Nizombe. Merci, la suivante. Fondé du pouvoir. La suivante. Mon cœur, tous les matins, vous avez mon cœur. Ok, merci, la suivante. Merci, la suivante. Sandra Lissala. Oh, mon ami, nous à Bandal. Alors, vous soutenir, il y a ma race. Ok. Welcome. Allez. to come na tango ya tantine Billy Adama Mwano ayen angenge mosusu Chechango, Chechango Zende na ungei Bina sama samba Show, show, look Merci. Si koyo bokomona Y-3. Yeti mouti yeti. Mwana Nsuga Yeah. Thank you. bala. Makani. Hey, excellence Bonaventure Ngombo Toto Bona, le gros bébé de la République. Mais qu'est-ce qu'on au Kunji Konjo? Il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. Moïse Katumbi Tchakwe, personnalité de bienfaisance. Excellence. Salomon Escadela, la sagesse. Le président de chaque 11 club, Papa Nanounès, Jacques Kichinja. Yeah.

Patrick Allongé. Sandra Kusevi, Bati Samba, Nino Yohana, Chakale Kalamba, Jacques Chikia, José Jova Kalamba, Soto, Pachaki Mouta, Sala Lukono, Sopote Mokie, Eva Katamba, Sopote Mokie, Kwedita, Jorge Lukama, Kwedita, Jorge Mayala, Mado Afayi Abota, José Nyo, Erike Saleme, Dengi Mayare, Mimi Chikeva, Loris la Congolaise, Zule Zulema, Eva na Eva, Fabrice Mola, Marcel Kabata, Kaika.